adroit, qu'arriva-t-il ce jour-là? La scie lui coupa le bras. Fallait surtout pas écraser la queue du chat. Non, non, fallait pas. Sa jambe droite lui faisait mal, c'est la gauche qu'on amputa. Fallait surtout pas écraser la queue du chat. Non, non, fallait pas. C'était la morale.